Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission En piste les artistes. Comme le disait si bien Guy Bedos dans son sketch La vie est une comédie italienne. Emmanuel Fitou pour vous servir, comédien, magicien et metteur en scène au sein de la compagnie Le Collectif Tout Me App. Je suis ravi de faire votre connaissance pour cette nouvelle émission, même si c'est plus vous en réalité qui faites la mienne. Dans En piste les artistes, émission consacrée au spectacle vivant, nous allons partir à la rencontre d'artistes, de lieux, afin d'en savoir plus, ou tout simplement de découvrir des univers inconnus. Dans cette première émission, nous allons rencontrer Frédéric Sem, qui est président de l'Amicale Robert Houdin, ou ARH pour faire plus court, et qui va nous parler de ce club de magiciens. Alors à noter que cette interview a été réalisée le 10 janvier, lors d'une réunion de l'ARH, c'est pourquoi je vous prie de bien vouloir m'excuser par avance pour le bruit de fond. Frédéric, bonsoir. Bonsoir. Alors, tu es président de l'Amicale Robert Houdin, si je ne dis pas de bêtises. Absolument. Et alors, grande question, qu'est-ce que c'est l'Amicale Robert Houdin ? C'est une association de magiciens qui est la plus vieille association de magiciens de Toulouse, qui regroupe des professionnels, mais surtout des amateurs, et qui est ouverte à tout type de pratiques de magie. Et l'objectif, c'est de partager entre nous nos connaissances, nos recherches, nos hésitations, nos certitudes. Parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir, et que la magie, c'est un art qui se travaille beaucoup seul, et c'est bien de pouvoir partager. Alors comment ça se passe justement, une réunion de l'Amicale Robert Houdin ? On se retrouve une fois par mois, le deuxième mardi du mois, vers 21h, et puis on a choisi généralement un thème de soirée, sur lequel un ou plusieurs des adhérents ont travaillé pour pouvoir présenter aux autres ce qu'ils savent faire ou ce qu'ils connaissent, et partager. C'est convivial, c'est un temps de discussion et d'échange, et puis chacun peut présenter un petit peu ce qu'il veut aussi, et généralement on essaye d'avoir toujours un temps de travail aussi pour progresser, pour se stimuler les uns les autres. Et pour le coup, l'Amicale Robert Houdin est associée à des événements extérieurs aussi, comme par exemple le Festival Magie à la Lande. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Alors le Festival Magie à la Lande, c'est une volonté double, celle du responsable du centre La Lande, qui voulait permettre à la magie de vivre sur Toulouse, et la volonté de l'ARH ou de certains de ses membres de faire venir des magiciens, des conférenciers, de les voir en spectacle aussi beaucoup, parce qu'il y a énormément de conférenciers, de magiciens de très très bon niveau qui viennent sur Toulouse, mais ils venaient généralement uniquement pour faire des conférences pour magiciens, et là l'idée c'était de proposer aussi de la magie pour le grand public. D'accord, donc en fait ça se passe en plusieurs moments. On va dire que d'abord c'est ça un spectacle, et puis ensuite il y a des conférences. En fait ça s'articule en trois temps. Il y a un temps avec le centre aéré, où les jeunes du centre aéré du quartier La Lande peuvent découvrir les coulisses un petit peu de ce que c'est que l'organisation d'un spectacle de magie. Un deuxième temps où l'artiste, alors c'est pas toujours suivant les artistes et suivant les spectacles, l'après-midi ou le soir, mais souvent il y a un temps grand public où l'artiste fait son spectacle pour le grand public. Et dans la salle, il y a souvent des magiciens. Et un temps réservé aux magiciens où ils expliquent certaines de ses astuces ou de ses recherches ou de ses découvertes en matière de magie. D'accord. Et là, ce qu'il y a d'original, justement, c'est que c'est un festival qui se produit plusieurs fois dans l'année. C'était un peu la volonté du responsable de Centre de la Lande de faire un rendez-vous régulier, d'ancrer la magie sur le quartier, autour du quartier de la Lande et des beaux équipements dont il bénéficie et qu'il nous met à disposition pour ses animations. Donc oui, c'est un rendez-vous régulier sur plusieurs années. Et le grand intérêt, c'est justement la diversité aussi des artistes qui viennent. Où en décembre, il y a eu le cartomane Bébel. Là, en janvier, il y a Bruno Vitti, le magicien qui est par ailleurs membre de notre association. Et oui, ça permet, la magie offre une grande diversité. C'est un petit peu comme si chaque domaine de la magie était comme un instrument de musique différent. On peut pratiquer plusieurs instruments de musique, on peut les mettre ensemble, on peut faire une sorte d'orchestre, ou on peut être un spécialiste, un soliste de son instrument. Et tout ça, ça fait des spectacles différents, ça apporte des univers différents. Chaque artiste apporte son propre univers et c'est toujours enrichissant. Et toi-même, Frédéric, tu es magicien professionnel ? Alors, je fais des prestations en professionnel, j'ai une autre profession par ailleurs, mais toujours autour du métier de l'animation. Mais oui, je fais des prestations en professionnel, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, depuis des années. Alors maintenant que Frédéric Sem nous a présenté rapidement l'Amicale Robert Houdin, nous allons également rencontrer Bruno Vitti, qui est magicien professionnel, dont on a parlé quelque peu en ce début d'émission. Bruno, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous sommes là pour parler d'un spectacle qui aura lieu le 21 janvier à 20h au Centre culturel de la Lande. C'est ça. Qui s'appelle, si je ne dis pas de bêtises, Ambigus Patronimus Sorcier Voyageur. C'est exact, bien, bien. J'ai eu peur de me planter, mais j'ai réussi. Ouais, c'est pas mal. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce spectacle ? Alors, en fait, ce spectacle est un spectacle familial de magie théâtrale. Ce qui a pour thème la sorcellerie, un peu dans le thème d'Harry Potter, puisqu'à l'origine, c'est un spectacle que j'ai créé pour Gallimard Jeunesse, pour le tome 3 d'Harry Potter, donc quand ça sortait. Alors, on était au tome 3, ils m'ont appelé, et c'était pour faire un festival du livre, où ils voulaient un magicien qui illustre ça. J'aurais donc monté à l'époque un spectacle pour ça, sur le thème d'Harry Potter. Et puis après, la Warner venant là-dessus, les films venant là-dessus, j'ai continué à faire ce spectacle-là pour la Warner sur quelques avant-premières. Et puis à un moment donné, j'en ai fait une version pour moi, mais bien sûr, plus question de l'appeler sur le thème d'Harry Potter, plus question de faire des références. Donc ça m'a permis d'enrichir le thème avec des idées à moi, et c'est pas plus mal en fait. Et alors une petite question, qu'est-ce que tu entends par magie théâtrale ? Alors la magie théâtrale, je pars du principe, c'est qu'on est là pour faire du spectacle, et qu'un spectacle c'est avant tout une histoire. Donc la magie théâtrale c'est d'abord une histoire, et puis après la magie c'est un prétexte, c'est un alibi. L'important c'est de faire rêver les gens en fait, c'est ça. Et on s'aperçoit qu'on fait plus rêver les gens avec une histoire qu'avec de la magie. Et la magie elle arrive plus naturellement là-dedans. D'accord. Et donc c'est un spectacle absolument tout public. Spectacle tout public, les enfants à partir de, je dirais, 5 ans, 5-6 ans vont commencer à s'amuser, et puis jusqu'aux adultes, parce qu'il y a plusieurs lectures et du spectacle et des gags, il y a des choses que des adultes vont comprendre et que les enfants ne comprendront pas, et sinon bah, les enfants comprennent tout ce qui est raconté, donc voilà, c'est ma démarche, c'est écrit, quoi, voilà. Et alors il y a autre chose moi que je trouve assez magique, c'est que tu fabriques quasiment tout toi-même. Ouais, ça aussi c'est un principe, mais en fait c'est parce que j'ai toujours fabriqué beaucoup de choses, mais j'ai fait un petit passage aussi par le cinéma, avec en faisant accessoiriste et chef décorateur pour le cinéma et puis pour les événementiels. Je fabrique aussi des tours de magie pour des magiciens pros. Et du coup, moi voilà, ça me permet de fabriquer des choses qu'on ne voit pas dans un magasin de magie. Et comme moi mes tours sont en rapport avec l'histoire que je crée au départ, c'est un peu compliqué pour moi de sortir une boîte pour faire disparaître quelque chose qui ressemble à une boîte de magicien. Donc j'en suis arrivé à la conclusion, c'est qu'il fallait mieux que je me fabrique tout. Donc finalement c'est ça, dans l'étape tu commences à créer l'histoire de ton spectacle, ouais, pour ensuite créer les numéros qui vont s'adapter Alors ça va dans les deux sens. Là ce spectacle a eu plusieurs étapes de création, de version. J'ai même eu une version en duo avec ce spectacle là. J'ai fait Avignon, j'ai fait des endroits assez sympas, j'ai fait un peu le tour de France avec la version duo. Et ça dépend. Des fois, moi, j'ai envie de faire un certain effet. C'est plus des effets que des tours, en fait. J'ai envie de faire un certain effet. Et si ça colle dans l'histoire, je le rentre dans l'histoire et il va s'intégrer comme ça. Et puis, des fois, je pars de l'histoire et ça m'amène un effet. Donc, vraiment, ça dépend. Alors, justement, pour expliquer un petit peu vite fait, est-ce que tu peux nous expliquer la différence, finalement, entre tour et effet pour un public profane qui ne serait pas magicien ? Ben, ouais, très simple. Une lévitation, par exemple. Dans une version en duo du spectacle que j'avais en lévitation, un magicien classique prend sa partenaire, va la mettre, par exemple, sur une table ou sur quelque chose, et puis il va faire des passes magiques et elle va monter. Et il fait un tour de magie qui est de faire léviter sa partenaire. Et quand on sortira du spectacle, les enfants vont dire « Comment tu as fait pour faire léviter la fille ?» Voilà, c'est ça la question, c'est comment. Alors que, par exemple, dans le spectacle que j'avais en duo sur ce genre de truc, c'était dans le scénario, c'est-à-dire que ma partenaire de spectacle me droguait, me donnait un produit qui me mettait KO, je m'asseyais sur une table, et elle en profitait pour faire des incantations, et moi, endormi, en fait, je me mettais à voler, à redescendre, et puis il s'était passé quelque chose entre-temps. Et les enfants, à la fin, venaient me voir et me disaient « Tu sais, quand tu dormais, la fille, elle t'a fait voler. » Et je crois que c'est ça la différence. C'est que pour les enfants, la question du pourquoi ne se posait pas. Ils venaient m'informer qu'on m'avait fait voler. C'est pour moi, c'est ça la différence entre faire un tour de magie ou faire un effet magique. C'est complètement différent. Et c'est la force du travail théâtral qui intervient là-dedans. Bah oui, parce que ça change tout. Ça change vraiment tout dans la perception. C'est un spectacle qui a une histoire, même si c'est un spectacle de magie, on peut venir le voir 5 fois, on prendra le même plaisir. Si on fait un spectacle de magie dont l'axe principal c'est le secret, avec le but de surprendre les gens avec des tours de magie, et bien une fois que ça a été vu, la surprise étant passée, ça y est, c'est fini, on a cramé la cartouche. Donc bon, moi je pars plutôt sur l'histoire, ça me permet de le répéter, de le rejouer, de l'améliorer, de l'affiner au fil du temps. Et alors pour le coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'histoire de ce spectacle ? Bah, l'histoire, c'est le public entre en fait dans une classe de sorcellerie, bah, l'école de magie, et en fait Ambiguus Patronymus, le personnage, rentre de voyage et au début est un petit peu perdu, on ne sait pas trop pourquoi, il est un peu maladroit comme professeur, et puis il s'aperçoit que les élèves sont là, donc il va quand même donner son cours, et en réalité il a croisé une sorcière qui doit lui rendre visite. Et en réalité, son réel problème, c'est comment il va accueillir cette sorcière. Comment ça va se passer ? Parce qu'il n'a jamais fait ça, en fait. Il n'a jamais accueilli quelqu'un dans sa classe, un stagiaire, voilà. Et du coup, ça va le perturber et il va céder des enfants, en fait, pour préparer cette visite, tout en faisant son cours de magie. Donc, il y a une participation du public ? Oui, beaucoup, parce que le public, les enfants, là en particulier, parce que c'est plutôt les enfants qui montent sur scène, sont des élèves. D'accord. Donc ils sont là pour apprendre des tours de magie. Et c'est ce qui est intéressant aussi pour moi, c'est que on apprend des effets, c'est-à-dire on apprend à faire apparaître de la pluie, on apprend à faire le brouillard, un cours avec des potions. Donc voilà, c'est comme un vrai cours, comme une école, avec une petite histoire parallèle qui s'intègre là-dedans. Je ne raconterai pas tout non plus. Bah bien sûr, il faut laisser un petit peu de suspense, voilà, pour inciter les gens à venir voir. Et maintenant, est-ce que tu peux nous parler finalement un petit peu de ton parcours en tant que magicien ? Depuis combien de temps tu en fais un petit peu ? Comment tu es venu à la magie, tout simplement ? Alors je suis venu, ça va être hyper prétentieux, je suis venu à la magie vraiment par hasard. J'avais 17 ans et quelques, et je suis allé à l'anniversaire d'une copine. J'étais invité et elle avait un très bon copain qui était magicien qui a fait de la magie. Et à la fin, en fait, je me suis aperçu que j'avais aucune culture magique, hein, et je me suis aperçu que j'avais compris tous les tours. Alors, peut-être que lui n'était pas très très bon, mais j'avais compris tous les tours. Et donc, quand je suis allé le voir à la fin, je lui ai dit, mais je suis arrivé avec mes solutions. Je lui ai dit, mais alors pour ça, t'as fait ça, pour ça, t'as fait ci, pour ça. Et lui, sa réponse a été, et tu fais de la magie depuis combien de temps ? Quand je lui ai dit que j'avais jamais fait de magie, j'ai senti un petit peu vexé quand même. Et du coup, après, il m'a quand même, au bout de quelques temps, appris un tour, un vrai. Et puis, le lendemain, je suis allé le voir en disant, vas-y, apprends-moi un deuxième tour. Et il m'a dit, non, il faut bosser plusieurs jours, plusieurs semaines. Et quand tu sauras faire ce tour, je t'en apprendrai un deuxième. Et je lui ai dit, mais je crois que je sais le faire. Et je lui fais. Et j'ai vu dans ses yeux que je l'avais bluffé. Et que ça avait marché. Et il m'a plus jamais rien appris. Et donc après, je me suis débrouillé, puis j'ai commencé à faire de la magie. C'était en 80. Enfin, c'était non, c'était en 87. Comme ça vous donne mon âge en même temps. Et merci Bruno pour cette interview. Donc je vous rappelle, si vous souhaitez venir voir ce spectacle, c'est donc le 21 janvier à 20h au Centre culturel de la Lande, dans le cadre de Festimagie. Et n'hésitez pas à venir en famille, parce que c'est une vraie sortie en famille. Merci beaucoup. Merci à toi. Et oui, En Piste les artistes, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Mais je vous rassure, on se retrouve très bientôt. Avant de finir, je souhaiterais conclure en remerciant Frédéric Sem, Bruno Bitti et Laurent Bastide, que nous n'avons pas entendu, mais qui a fait un petit peu les intermédiaires et qui a organisé cette rencontre. Je souhaite également remercier toute l'équipe de Radio Montmirail et évidemment vous qui avez écouté cette émission. Merci beaucoup de votre écoute et à très bientôt.